photo ça m'interdit. Pour t'éviter ma nuit, on avait tous le ventre vide. Et tu le sais bien, tu peux me trouver la nuit. Faut que j'esquive les ennuis. Nous raconte pas ta vie si tu fais rien. Je veux mon full option dans la cité, moi. J'ai pris du champagne, des fois faut changer tes soirs. J'ai cher dans la job, certains sont remplis d'espoir. Température qui monte comme le Maroc ou l'Espagne. Roule à fond, on fait parler les envieux. C'est de la frappe, on fait monter les enchères. Ramasser les billets, je connais les enjeux. J'ai de la coco toute fraîche, t'inquiète, ça se vend cher. Je veux des billets de 100, wesh. J'en perds le sens, eh. Je veux des billets de 100, wesh. J'en perds le sens, eh. J'ai du cavaler, cavaler, mon ami. Fallait ramasser, ramasser dans la ville. J'ai du cavaler, cavaler, mon ami. Fallait ramasser, ramasser dans la ville. J'ai du cavaler, cavaler, mon ami. Fallait ramasser, ramasser dans la ville. J'ai dû cavaler, cavaler mon ami. Fallait ramasser, ramasser dans la ville. J'veux des billets sans wesh. J'en perds le sens. J'veux des billets sans wesh. J'en perds le sens. J'veux des billets sans wesh. J'en perds le sens. J'veux des billets sans wesh. J'en perds le sens. Alors refroidis-toi, fais pas le mec de Guantanamo. Y'a le temps qui passe, on enchaîne les blindes à la mort. Seul père qui est là, tout le monde s'affole quand t'as un mot. Faut pas faire cramer, y'a les capes qui toquent à la porte. Roue arrière sur le boulevard, c'est maîtrisé. Consolcation, on s'est croisé sur l'Elysée. J'ai bien accéléré, sur la pute est tétanisée. Tu sais que ça part en couille s'ils veulent nous neutraliser. Billets j'accumule, faut pas me dire que j'en fais trop. J'aperçois les civils arriver dans le rétro. J'ai seulement mon avis, comme d'habitude ils ont les crocs. Mais c'est la routine, on connaît bien les salés pros. Billets j'accumule, faut pas me dire que j'en fais trop. Des billets de 100, wesh. J'en perds le sens, eh. J'veux des billets.